Les mecs en or en qui j'ai confiance, toujours à mes côtés. Parfois vous êtes ma conscience, les gars sur qui je peux compter, qui seront toujours là pour moi. Les vrais, ceux qui appliquent sans même demander pourquoi. Et en vrai, avec qui je partage les petites galères, cette vie de malheur. Je vous oublierai jamais sur la vie de ma mère. Donc je vide ma pierre sur le trottoir. Une pensée pour notre frère à jamais dans nos mémoires. Et dans nos cœurs, toujours on t'oublie pas, poteau. T'es parti trop tôt, j'espère qu'on se reverra là-haut. Qu'on se rassemble sur le bitume pour une descente. Sur un sang, pour faire un son, de façon les traîtres, on fera sang. Garçon, c'est pour les frères de sang. J'ai écrit ce morceau, car c'est les seuls qui comprennent ce que je ressens. Je pense aux barres de l'air qu'on s'est tapé, ainsi qu'à tous ces tripes, dans le souvenir en commun. Donc big up à tous. Ça là, c'est pour les sauces, les vrais, les amis de longue date. Et en frais, ceux avec qui on traîne et pour qui on starve. On promet de garder contact, de laisser la confiance intacte depuis l'enfant jusqu'à ce qu'on claque. Les amis, Hami Houkan dans mon cœur sont mes homies. Bah oui, Sarlaoui, Harbiya, Guerre ou Renoir, y'a pas d'if. Même ouvert, même s'il y a pas de bif. Ton juste pour le kiff, posé en train de taper dans le même bif. T'es quoi, lève ton bif, t'es qui? Range ton sourire jaune, y'a pas de place pour les hypocrites. C'est mal, sale, rate, dès que tu pointes, dès que c'est gratis. T'as rien pour moi, alors comprends ta présence, c'est proscrit. Mes potos, je serai là parce qu'ils attendent rien en retour. Quand y'a une merde, rejette pas la photo aux autres, fais le pas des jets. Des mecs avec qui je kiffais sur la photo, on s'autocritique en s'éclatant et puis se flatte. Mais attends, les élèves de personne, entre nous on s'apprend. Prends-en de la graine, y'a que les ennemis qui s'engrènent. En gros, je sais à qui demander conseil, dédicace à vous. Ça là, c'est pour les sauces, les vrais, les amis de longue date. Et en frais, ceux avec qui on traîne et pour qui on starve. On se promet de garder contact, de laisser la confiance intacte depuis l'enfant jusqu'à ce qu'on claque. C'est pour mes potos, mes amigos, ma seconde famille. Ok, les virés en vago, les soirées qui partent en vrille. On passe une nuit au comico ensemble, les journées qui suivent, encore une nuit au comico. Y'en a qui aiment bien la récidive, y'a ceux qui restent sur le qui vivent pendant que les autres font le braco. Y'en a qui deal du shit et certains n'en font pas trop. Y'a que les vrais potes, ma gueule, tu sais qu'ils viennent voir à l'hosto. Y'a que les vrais potes qui chialent quand y'en a un qui fait le grand saut. Si la vie est une pute, alors la mort est le macro. Je suis en manque comme un torse, mais c'est mes potes, je suis accro. Je me souviendrai des soirées entre raclos. À Paris sans métro, à dormir à Austerlitz sans carreau.